Je vais vous raconter une histoire, vous allez me dire si vous avez déjà entendu ça. C'est la femme de Fortuné Ami. Non, ça c'est une histoire de loup. Parce que des histoires de loup, tout le monde en connaît. Ah voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, c'était dans le temps, il y avait des fêtes de village, où il y avait des petites fêtes, des fois à la veillée, dans les hameaux isolés, à Gentiac ou au château comme ça, celui là où il y avait un peu de jeunesse dans une ferme, il faisait la veillée, il faisait venir ou un clarinettiste, ou quelqu'un qui jouait de la clarinette, ou de la flûte, ou du violon. Ou de la un petit accordéon. Ouais, n'importe. Il y en avait comme ça qui savaient jouer d'un instrument, ils venaient dans la ferme à la veillée, ils faisaient danser là, pour la jeunesse du coin. Voilà. Alors, il y en avait un qui jouait du violon ici. C'était pour la fête de Montfroc le 21 janvier. Alors, il était allé jouer là-bas, et au retour, alors elle m'explique, il faisait partout des trappes à loups, le long des chemins. Oui. Pour attraper les loups, il faisait des trappes. Oui. Alors, il faisait un grand trou, il mettait un bout de bois qui devait faire levier, et qui devait faire axe, il y avait une planche dessus, et puis si le loup il passait sur la planche, ça basculait, et la planche se relevait parce qu'il y avait un contrepoids, il ne pouvait plus sortir. D'accord. Vous en avez entendu parler de ça? Non. Bon. Alors, donc il y avait un trou comme ça, assez profond, il mettait dessus une planche, donc comme je vous dis, si l'on marchait sur la trappe, ça basculait, le loup tombait dedans. Il y en a un qui le faisait que les dernières années, là, il n'y a pas longtemps. Et ça se refermait tout seul. Oui. Alors là, c'était pas loin du chemin, et celui qui avait fait le trou, il avait fait un grand trou, et tous les jours, le matin, il allait voir s'il avait attrapé un loup. Et le matin, il arrive, et dedans, il y avait le bonhomme, il y avait le gars qui jouait du violon, et avec un loup, et alors il arrive, et il entend jouer de la musique. Il entend jouer de la musique, alors il regarde, il se dit qu'est-ce que c'est, j'ai pas attrapé un loup. Alors il va voir, et il y avait le musicien qui était là, il jouait de la musique, et il y avait le loup en face. Alors il paraît que les loups, ils ont peur de la musique. Ça, c'est ce qu'il m'avait raconté. Ça, je l'avais dit à Miette. Voilà, les loups, ils ont peur de la musique, et alors quand il est tombé dans la trappe et qu'il y avait un loup dedans, dans la fosse, il s'est mis à jouer de la musique, et chaque fois qu'il s'arrêtait de jouer de la musique, il y a le loup, alors il jouait de la musique tout le temps, il a passé la nuit comme ça. Comme ça. Mais Urbain, il m'avait raconté Je vous dirai. Vous l'avez jamais entendu raconter, non, cette histoire? Non. J'ai presque de la peine à le croire. Non, c'est pas vrai. Ce que vous m'avez raconté, c'est vrai. C'est la pure vérité. Oui. La pure vérité. Je n'y étais pas. Mais l'homme qui l'a raconté, et vous savez, je vous prie de croire qu'on n'avait pas besoin de dire c'est quoi ce fond de buis. Oui. Je retenais ma respiration pour écouter parler cet homme, moi. Je le crois. Il parlait de la guerre de 70 ou de cette affaire de Loula. Eh bien, rappelez-vous que j'écoutais ce qu'il disait, et si je le dis, c'est que je me rappelle textuellement des paroles qu'il a dit. C'est à la montée de la serre, là. Il s'est aperçu que les loups le suivaient. Eh bien, c'est ce que je vous ai dit. Vous me l'avez dit, vous revenez de faire danser à Noyer. À Noyer, et comme il avait de nombreuses familles, celui-là, il avait 10 gosses. Les gens, ils le savaient, étaient un peu malheureux, un peu des terres. Ils faisaient le sieur de l'an dans la journée, s'il fallait. Il allait jouer de la musique le soir, il jouait du violon et de la clarinette. Il y avait deux choses. Et il fallait qu'il se débrouille pour les faire manger, ces gosses, vous comprenez quand même. Des enfants. Et comme il savait que j'avais une bande de drôles, sans patois, il parlait. Il m'avait donné de saucisses, un peu de pichon chara, enfin, pour le carnaval, les gens ont tué le cochon tous. Monsieur il entend. Non, mais dites-le-moi, Si, je comprends pas quoi. Il était content qu'on lui ait donné des choses, ça sentait bon dans la musette. Et arrivé à la montée de la serre, là, il a entendu, il s'est retourné, il voit quatre, je ne sais pas comment dire, pour les yeux des loups, briller. Et dit le troisième, je ne suis pas certain, je le suis, mais quatre. Et dit, rappelez-vous que la casquette, elle ne voulait plus tenir sur la tête. Et il s'est rappelé que, à Chabriou, il habitait Chabriou, ils étaient fâchés avec ses voisins. Alors, je ne sais pas si vous savez comment c'est fait là-haut. Je sais, Où il y a la fontaine. Oui. il y a l'entrée de la, où elle habite la dame maintenant, oui. Et en haut, il y a une fenêtre, c'était celui-là qui habitait là-haut. Ah bon. Alors, de la fenêtre, il voyait tous les prises de chez la fontaine, tout ça. Alors, il s'est rappelé que quand il jouait de la musique, là, le chien de sa voisine, ça lui faisait peur. Oui. Et, il s'est rappelé de ça, et il s'est mis à jouer du violon. Et les loups, ils ont foutu le camp. Ah, j'ai été sauvé, j'ai repris ma route, dit. Ah, peu sûr, il va pas voir tout ça. Il y avait partout, il y avait des maisons, c'était tout habité, je n'ai plus vu les loups. Mais dit, j'ai passé un sacré moment. Il a dû avoir peur, hein. J'éveillais pas, dit.